إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc comme j'expliquais qu'on va faire aujourd'hui un nouveau livre. En fait, c'est pas on va faire le livre au complet, mais on va lire des parties d'un livre qui parle yani, d'un sujet qui a rapport avec le manhaj. Et on va réfuter certaines idées des Hizbiyin, des gens qui appellent à la démocratie et au vote et aux élections et des trucs de ce genre, et qui disent que ça c'est dans l'islam et que c'est parmi eux, il y en a qui vont jusqu'à dire même que c'est obligatoire dans l'islam et que ça fait partie d'une obligation religieuse que de voter et de faire partie ou de participer aux élections. Donc nous on va montrer, Inch'Allah, que les élections et tout ce qui a rapport avec la démocratie, les trucs de ce genre, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a jamais rien eu à voir avec l'islam, ça vient en réalité d'un système de kufr qui est opposé à la religion du prophète, qui est opposée à la religion de tous les prophètes, hein, parce que tous les prophètes viennent avec la même religion, et donc il n'y en a aucun d'entre eux qui a enseigné à son peuple la démocratie. Et donc on va expliquer ça en détail, Inch'Allah. C'est un livre qui s'appelle Al-Adilla al-Shar'iyya li kashf al-talbisat al-Hizbiyya ala al-Mujtama'at al-Islamiyya. C'est écrit par le Cheikh Abu Abdussalam Hassan ibn Qasim al-Hassani al-Raymi al-Salafi. Et le livre, il y a une introduction qui a été écrite à ce livre-là par le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wassabi al-Abdali, et par le Cheikh également Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Ok, et donc qu'est-ce qu'on va faire avant de commencer? On va lire qu'est-ce que le Cheikh a écrit, le Cheikh du Yémen, Cheikh Muqbil, et on va lire qu'est-ce que le Cheikh a écrit aussi dans l'introduction, le Cheikh Abdul Wahhab, Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Abdali. Puis après on va commencer tout de suite le chapitre 2 qui a rapport avec les votes et les élections. Et donc le Cheikh dit Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd فقد اطلعت على ما كتبه الأخ الفاضل الشيخ حسن بن قاسم الحسني، فوجدت فيه من المناقشة للحزبيين التي يصدق عليها قول الله تعالى أو عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ولا تلووا أو تعرضوا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Donc le Cheikh il dit que, pour commencer, il dit qu'il a trouvé le livre que le Cheikh a écrit, que c'était une bonne discussion au sujet de qu'est-ce que les Hizbiyin ont ramené hein, comme choubouhat au sujet de la question des démocraties. Il n'a pas rentré encore dans le détail, mais il le dit, il mentionne un verset à ce sujet-là. Après, il dit un verset, et ce verset-là, c'est le verset 135 dans Surat An-Nisa. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer la suite, et après je vais traduire le reste du texte pour que ce soit plus clair. مناقشة لازم فيها العدل والإنصاف كما أمرنا ربنا بقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقوله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الإخوان المسلمين في اليمن كانوا أقوى الإخوان المسلمين في سائر البلدان ولكن هل لازم العدل والإنصاف مع إخوانهم أهل السنة؟ الجواب يعرفه أهل السنة اليمنيون فهم الذين استطلوا بنار الضرب والتهديد والطرد من المعاهد وأخذ مساجدهم من أيديهم أما الآن فحق لنا أن نردد قول ربنا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وقول الشاعر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملك جنوده ضاق عنها السهل والجبل عند أن كان يقرأ علي القارئ في البحث الذي قال به الشيخ الفاضل حسن بن قاسم كنت أتذكر قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وقوله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض حقا لقد نصرت أيها الباحث السنة وكشفت عوار الحزبيين الملبسين على المجتمع الإسلامي فحق لنا أن نتمثل بقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي وإن متأكد أن عند الإخوان المسلمين من البلاء أكثر مما قد ظهر فحسبنا الله ونعم الوكيل ونسأل الله أن يبارك لنا في أخينا الفاضل الشيخ حسن بن قاسم وأن يجزيه عن هذه الصراحة خيرا ويعيذنا من وإياه من كيد الإخوان المسلمين الحاقدين على أهل السنة إنه جواد كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Mokbel? Il a dit que cette recherche qu'il a fait, c'est une bonne discussion et une bonne réfutation, une bonne argumentation contre les chizbiyyin. Et à ce sujet-là, il dit on doit dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 135 dans Surat An-Nisa. Il dit que ça mérite qu'on dise au sujet de ce qu'il a écrit, ce verset-là dans le Coran. Oh les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah leur donne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères et vos proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc c'est pour dire que le Cheikh il dit que le frère qui a écrit cette recherche sur le sujet, Hassan ibn Qasim, eh ben, il l'a fait avec justice, hein, et il a été honnête dans sa discussion, comme Allah nous l'a ordonné dans le Coran, et lorsque vous dites quelque chose, soyez juste, même si c'est pour des proches parents, d'accord? Et il dit, et ça c'est le verset 152 dans Surat Al-An'am, et il mentionne aussi le verset 5 dans Surat Al-Ma'idah, et ne faites pas que votre haine pour un peuple vous pousse à vous écarter de la justice, soyez juste, c'est plus près de la piété. Donc le frère il dit que les Ikhwan al-Muslimin qui étaient au Yémen étaient parmi les plus forts parmi les Ikhwan al-Muslimin par rapport aux autres pays, c'est eux qui avaient plus de force. Et le Cheikh dit, mais est-ce qu'ils ont traité leurs frères al-Sunna avec justice? Il dit, la réponse, tous les frères de Ahl-Sunna du Yémen, ils savent la réalité de cette réponse. Parce que c'est eux qui ont été traités de toutes les façons, par le feu, les coups, les menaces, les expulsions des instituts où il y a de l'enseignement et des mosquées. Qu'ils ont pris par la force, et aujourd'hui, c'est-à-dire les frères d'Al-Sunna, ils ont été chassés, expulsés des mosquées et des instituts à l'époque, et donc le cheikh dit, et donc nous on peut dire aujourd'hui, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Yunus le verset 23, « Ya ayyuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum, ô vous les hommes, votre injustice n'est que contre vous-même. » Et il mentionne un vers d'une poésie. Il dit, voilà, mais bon, je vais passer la traduction de ce vers qu'il a mentionné. Après, il dit, lorsque quelqu'un me lisait le livre ou la recherche que le frère a écrit, moi j'ai pensé à des versets dans le Coran, au fur et à mesure que j'écoutais le frère qui me lisait ce livre, j'ai pensé à des versets. Il a mentionné trois versets. Il a dit, j'ai pensé au verset 81 dans Surat al-Isra. Il dit, la vérité est venue, le faux s'est en allé. Certes, le faux c'est ce qui part, c'est ce qui est détruit, ce qui est éliminé. Il a pensé à un autre verset, c'est le verset 18 dans Surat al-Anbiya, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il lance la vérité sur le faux, et il la détruit, et la voilà qu'elle disparaît. Et il a pensé à un autre verset dans Surat al-Ra'd, le verset 17, et il dit, dans ce verset-là, l'écume du torrent s'en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Et ainsi Allah propose des paraboles. Donc c'est ça. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. Donc c'est pour dire que ce qui est bon, ça reste. Qu'est-ce qui est bénéfique, ça reste. Et qu'est-ce qui est mauvais, ça disparaît. Et ça se fait emporter par l'écume, par le reste. Donc le cheikh dit حقاً, en vérité, tu as certes donné la victoire par ce que tu as écrit à la sunna, et tu as démasqué les ruses et les mensonges que les Hizbiyyin utilisent comme tromperie contre les sociétés musulmanes, et donc on doit dire comme le poète a dit, les jours vont te montrer ce que tu ignorais, on pourrait dire que avec le temps la vérité se sait tout le temps. Il y a des choses qui vont devenir comme information qui vont te faire comprendre la réalité des choses. Et donc, on confirme que qu'est-ce que le frère a mentionné au sujet des Ikhwan comme problème, comme égarement, eh bien, c'est rien par rapport à ce qui, en réalité, la réalité de leur égarement, c'est juste une partie qui a été démontrée ici. La réalité est encore plus grande comme de ce qui existe chez eux comme problème. Mais il dit, Allah nous suffit, et c'est lui le meilleur garant, et on demande à Allah de donner la baraka à nous et à notre frère, Cheikh Hassan ibn Qasim, et de lui remercier pour cette clarté qu'il a utilisé cette franchise et qu'il nous protège ainsi que lui contre les ruses des Ikhwan qui sont remplis de haine contre les gens d'Ahl-Sunnah et yani, c'est certes Allah subhanahu wa ta'ala qui est généreux et qui peut nous protéger contre ces gens-là et il n'y a pas de mouvement ni de force excepté en Allah, le très haut, le très grand. Donc, ça c'était juste une petite introduction que le cheikh a fait, c'est juste pour encourager le frère, dans son effort, et qu'est-ce qu'il a écrit au sujet des Ikhwan. Après, il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Abdali al-Wassabi, il a écrit « Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. فقد تصفحت كتاب أخينا الفاضل حسن بن قاسم الحسني الريني المسمى الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية فوجدته كتابا قيما بذل مؤلفه جهدا يشكر عليه في ضحك شبه الحزبيين بالأدلة من الكتاب والسنة وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى أبو إبراهيم محمد ابن عبد الوهاب الوصابي إمام وخطيب مسجد السنة بالحديدة. Donc il dit que Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله. Et ensuite j'ai feuilleté le livre du Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi qu'il a appelé al-Adilla al-Shari'a, l'épreuve de la Sharia, pour démontrer les mensonges et les faussetés des Hizbiyyins, et il dit que j'ai trouvé que c'était un livre très très bénéfique, et que l'auteur de ce livre, il a dépensé beaucoup d'efforts pour, on est reconnaissant envers lui, du fait qu'il a démontré la fausseté des Shubuhat des Hizbiyyins, avec les preuves du Coran et de la Sunna, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq à lui, à nous ainsi qu'à lui, et qu'il l'amène vers qu'est-ce que Allah aime et qu'est-ce qu'il agrée. Et ça, c'est la parole de ce chef. Ensuite, on va commencer tout de suite avec la première partie au sujet justement de ce manhaj des Ikhwan, que les Ikhwan utilisent et ce qu'ils appellent les musulmans à utiliser la méthode de la démocratie pour arriver au pouvoir. Peut-être même qu'avant de rentrer justement dans ce sujet-là, on va faire peut-être une petite explication, une petite introduction. Ok? C'est que le manhaj, premièrement les Ikhwan, quand on parle des Ikhwan, il faut comprendre que ça ne concerne pas uniquement le groupe Ikhwan al-Muslimin fondé par Hassan al-Banna, mais on veut dire par là toute organisation musulmane ou groupe ou parti qui utilise cette méthode et qui appelle au même manhaj que le manhaj des Ikhwan. Parce que les Ikhwan, c'est les premiers parmi les musulmans qui ont commencé ce genre d'organisation ou ce genre de groupe, qui sont des groupes politiques qui ont pour objectif de soi-disant ramener l'islam par un principe politique ou par des mouvements de rassemblement des gens sur des principes et sur des règles qu'ils ont établies, et c'était bien entendu fondé par Hassan al-Banna à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres groupes qui ont les mêmes principes ou les mêmes tendances ou les mêmes systèmes que eux, qui ne s'appellent pas Ikhwan al-Muslimin, mais qui ont les mêmes tendances que eux et qui sont répandus un peu partout dans le monde. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on parle de ces gens-là, on ne parle pas juste de ce groupe-là, mais de tous ceux qui ont ces tendances-là, parmi les groupes d'égarement, parmi les gens de Bédard. Et ils appellent à toutes sortes de façons pour reprendre le pouvoir dans les musulmans, et parfois c'est les coups d'État, parfois c'est la violence, parfois c'est le terrorisme, parfois c'est toutes sortes d'autres méthodes qui sont toutes contraires au Coran et à la Sunna, et à la voix des salaf salih. Et parmi les méthodes qu'ils utilisent, il y a la méthode qu'on appelle les élections et le suffrage universel et la démocratie, et qui fait partie des méthodes qui sont en contradiction également avec le Coran et la Sunna, et on va montrer pourquoi c'est contraire au Coran et la Sunna. Hein? Parce que le problème des musulmans aujourd'hui, ils sont trompés par ces termes-là, parce que dans leur esprit maintenant, on a réussi à leur faire croire ou à leur faire penser que démocratie égale liberté, justice, égale à toutes sortes de choses qui sont soi-disant en apparence positives, mais qui cachent beaucoup de fausseté et d'égarement. Et les gens, ils prennent pas attention, ou ils donnent pas vraiment le temps d'étudier la réalité de ce système-là, et en quoi il est en opposition avec le tawhid, et en quoi il est en opposition avec les fondements de l'islam, de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Et donc, on va parler de ça, inshallah. Premièrement, al-fasl al-awwal, donc à la base, on va regarder premièrement qu'est-ce que c'est à la base les élections, d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie. Donc il dit al-mabhath al-awwal ta'rif al-intikhabat, premièrement on va voir qu'est-ce que ça veut dire le mot élection. Donc al-intikhabat الاختيار وإجراء إجراء قانوني يحدد نظامه ووقته ومكانه في دستور أو لائحة ليختار على مقتضاه شخص أو أكثر لرئاسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها أو نحو ذلك محدثة. Le cheikh dit ouais, ah oui. Donc premièrement, les élections c'est quoi? C'est le fait de choisir, hein, de choisir, et c'est un processus. Hein, les élections c'est ça, c'est le fait de choisir, c'est un processus par lequel il y a c'est un processus qui est établi ou déterminé ou il y a fixé par le système. Dans son organisation, il est déterminé par le système, et on détermine par exemple quand est-ce qu'elles ont lieu, où est-ce qu'on va les faire, hein, et ça c'est déterminé bien entendu par la constitution ou par une déclaration soi-disant du peuple ou des choses comme ça, et on essaie de choisir par ce moyen-là, par ce suffrage-là. Ces élections, on essaie de déterminer ou de choisir soit une personne, un individu qui va diriger, ou bien un groupe de personnes, comme par exemple des députés, ou bien des représentants, ou bien une assemblée, ou bien un comité, ou bien des membres d'un comité, d'accord? Et donc, tout ça c'est dans le but d'arriver à choisir soit une personne ou un groupe de personnes. Et ça, c'est tiré d'une encyclopédie ou d'un dictionnaire. Al-Mu'jam al-Wasit. Après, il dit, wa al-Muntakhab, man lahu haqq al-Taswit fi, al-Muntakhib, man lahu haqq al-Taswit fi l'intikhabat. Al-Muntakhib, c'est celui qui vote. Celui qui donne sa voix. Et al-muntakhab, c'est celui pour qui on vote et celui pour qui est élu. Donc celui qui reçoit le plus de voix dans ce système, ben c'est lui qui remporte les élections, on l'appelle al-muntakhab. Ben en tout cas, muntakhab, c'est celui à qui on donne nos voix dans les élections. En arabe. Là, on parle tous des termes arabes, alors qu'à l'origine, c'est pas des principes qui viennent de la langue arabe. Ça existait dans peut-être ce terme-là, ça existe dans la langue arabe, mais bien entendu, c'est récent dans l'histoire. Parce que ça vient des Occidentaux, là, les principes de démocratie, c'est eux qui l'ont élaboré, qui l'ont établi dans leur pays, puis après, ils ont traduit ça, puis par la suite, c'est venu dans les pays arabes. Deuxième point, masdar al-intikhabat, d'où ça vient les élections? Ça vient de quoi? C'est quoi l'origine de ce système-là? Est-ce que ça vient de l'islam ou ça vient d'autre chose? Ben, c'est ça que le cheikh il explique maintenant. بإن الديمقراطية الغربية الكافرة هي مصدر الوحيد للانتخابات البدعية الطاغوتية كما بين ذلك غير واحد من الباحثين حول هذا الموضوع. شيخ الذكر الديمقراطية أوكسيدانتال ميكريانت c'est l'origine unique pour c'est la seule origine de ce système de suffrage universel qui est bid'i, c'est-à-dire qui est pas à la base dans la religion, c'est une innovation, hein, ça fait partie des bid'a, puisque c'est pas un système qui est venu par la révélation, c'est quelque chose qui est pas rôti, dans le sens que ça s'oppose à au fondement même de la base de la foi, de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et ça a été expliqué par plusieurs des rechercheurs qui ont écrit à ce sujet-là, d'accord. Donc ça vient de l'Occident, et ça vient des kuffars, ça vient pas de l'islam, ça vient pas de la religion musulmane, et que c'est une bid'a, et que c'est contraire aux bases de l'islam. Et le cheikh il explique ça, et il mentionne les paroles de Safiur Rahman al-Mubarak Fouri, un des grands shuyukh de l'Inde. Et il dit « فالشعب هو مصدر كل نوع من السلطات الدستورية والإدارية وغيرها وكان من الطبيعي إساءة هذه المبادئ الحرية الشخصية والمساواة وعلمنة الحكومة وجمهرة الحكومة donc إساءة هذه المبادئ الاجتماعية ألا تكون السلطة حكرا على طبقة دون طبقة فاختير لذلك طريق الانتخابات والتمثيل لفترة محدودة حتى يكون الممثلون هم المعبرون عن إرادة الشعب وآرائه. ودونك كيف كيدي الشيخ المبارك فوري إلذي كدونك l'origine de cette démocratie-là, bien d'où ça vient, ça vient du fait que les gens qui l'ont établi, ils disent que c'est le peuple qui sont à la base des autorités ou de la souveraineté. C'est la démocratie. Démocratie, ça veut dire que le pouvoir qui appartient au peuple, le pouvoir du peuple de se diriger lui-même, hein, c'est ça à la base qui est à l'origine de l'idée de démocratie, et que toutes les autorités, toutes les souverainetés, les différents niveaux de la souveraineté appartiennent soi-disant au peuple, et donc les principes de base de la démocratie c'est la liberté individuelle, l'égalité, le fait que le gouvernement soit laïque, hein, opposé à, ou qu'il soit pas en faveur d'aucune religion en particulier parmi les religions, et que ce soit le peuple qui soit à la base de tout ce qui se passe dans les décisions des bases de la souveraineté de la société, que ce soit constitutionnel ou autre. Donc c'est ça qu'il mentionne, et donc il dit que c'est le peuple qui doit être représenté, puis peu importe la classe sociale, hein, le niveau, la classe sociale, et donc c'est pour ça que c'est par la voie des élections que ça doit être fait, et qu'il doit y avoir des représentations par des votes durant une période bien précise, pour qu'il y ait des représentants qui vont exprimer la volonté du peuple et les opinions du peuple. Ça c'est pris dans un livre qui s'appelle « Les partis politiques dans l'islam ». Après il dit « Wa qala Abdul Ghani al-Rahal, inna hadha al-nizam huwa hukm al-sha'b bil-sha'b, wa annahu huwa masdar al-sultat, qa'imun ala asas saytarat ra'as al-mal, iz inna ashab ra'as al-mal hum alladhina يفوزون بمقاعد المجلس النيابي، أما الفقراء فيفوتهم ذلك لأنهم لا يجدون ما ينفقون على دعاياتهم الانتخابية، كما أنهم يفتقدون الوجاهة الاجتماعية. Donc ici, le cheikh il mentionne la parole d'un autre qui s'appelle Abdul Ghani al-Rahal, qui s'appelle Al-Islamiyoun wa Sarab al-Dimokratiya. C'est dans un livre qui s'appelle Al-Islamiyoun wa Sarab al-Dimokratiya, c'est-à-dire les islamistes et le mirage de la démocratie. Et dans ce passage-là, il dit que ce système, c'est-à-dire le système de la démocratie, c'est le peuple qui dirige le peuple, hein, le peuple qui est dirigé par le peuple. Et c'est lui qui est, c'est le peuple qui se dira à la base des pouvoirs de la société, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, etc. Et c'est lui qui dirige, c'est le peuple qui dirige ça. Et donc, à la base, il faut que ce soit ceux qui, ce doit être eux qui vont posséder le capital et l'argent, ceux qui sont à la tête. Pourquoi? Parce que le chef, il dit, ou bien la personne qui a écrit ça, elle dit que pour faire pour avoir le pouvoir dans un système démocratique, il faut pouvoir faire de la publicité. Il faut pouvoir faire de la publicité pour pouvoir faire sa campagne électorale. Et pour faire, donc si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne peux pas faire une campagne électorale qui va être assez forte pour être élu. Et donc tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que les gens sont obligés de faire ce genre de partis, les partis politiques électorales. Et donc c'est pour ça qu'un pauvre ne pourra jamais être au pouvoir ou être élu. Ou bien quelqu'un, par exemple, qui n'a pas une belle apparence, soi-disant, ne pourra pas être élu parce qu'il ne pourra pas attirer la faveur la faveur de la société, et ils vont pas pouvoir l'accepter. Donc il faut que c'est du marketing. Il faut que la personne ait une apparence qui va plaire, et il faut qu'il ait quand même des moyens pour se faire une bonne campagne électorale, sinon ça marche pas. Donc déjà, même s'ils prétendent qu'ils sont contre les classes sociales, puis qu'il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre, eh bien c'est complètement impossible dans la réalité, dans ce système, qu'un pauvre atteigne le pouvoir, ou soit au pouvoir. Après, il dit « وَالْمَبْحَثُ الثَّالِثُ أَصْلُ كَلِمَةِ الدِّمُقْرَطِيَةِ » Donc le cheikh il dit la base, c'est quoi l'origine du mot démocratie? Il mentionne les paroles du cheikh Mohamed Aman al-Jami. Il dit « قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ » الديمقراطية لفظة أجنبية معناها حكم الشعب أي أن الشعب هو الذي يسن القوانين لنفسه ويشرع التشريعات المناسبة له غير ملتفت إلى شرع الله بحيث يكون الشعب نفسه هو السلطة التشريعية وهو الإله المعبود ويتم ذلك بواسطة نواب البرلمان الممثلين. Donc, regardez qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh Mohamed Aman al-Jami. Il dit qu'à la base, le mot démocratie, c'est un mot étranger à l'arabe, qui n'est pas arabe, et qui signifie le pouvoir du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple, c'est lui qui établit les lois pour lui-même. Hein? Il fait les lois pour lui-même, et qui va légiférer des législations qui lui conviennent, sans même se retourner à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc en réalité, c'est comme si le peuple, il se faisait lui-même comme étant le pouvoir législatif, et il est donc celui qui est adoré, hein, comme un dieu, hein? Et comme si le peuple devenait le dieu, son propre dieu, hein? Et il décide par lui-même de qu'est-ce qui est permis, de qu'est-ce qui est interdit, de qu'est-ce qui est halal, de qu'est-ce qui est haram, et donc il fait ça par l'intermédiaire des députés dans le parlement qui représentent soi-disant le peuple et qui vont voter pour les lois et des trucs de ce genre. Donc ça c'est dans le livre Haqiqat al-Shura fi l'Islam. Donc le cheikh il a bien expliqué ici un point important au sujet de la démocratie. Et vous voyez par exemple beaucoup d'islamistes et des musulmans qui font partie de ces groupes de Ikhwan qui veulent se montrer modernes, puis qui veulent se montrer ouvert au principe des kuffars, Et bien quand ils vont parler avec les kuffars, ils vont jamais entrer avec eux avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et les versets et les hadiths. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les kuffars ne croient pas en ces choses-là, et justement ils veulent jouer au jeu avec les kuffars, le jeu de la démocratie, et commencer donc à mentionner des choses par rapport à l'islam sans jamais mentionner les preuves qui sont reliées à ces choses-là. Donc quand ils essaient de parler aux kuffars sur le fait que les musulmans on doit faire telle ou telle chose, ou qu'on doit s'éloigner de telle ou telle chose, ou que ça c'est une loi et qu'on doit l'expliquer, eh bien eux, ils ne mentionnent pas les preuves ou les choses qui ont rapport avec ça, mais ils essaient de justifier ça sur le plan de la liberté individuelle et le fait qu'on a, on est libre et la constitution donne la liberté religieuse, etc. Pas sur le plan que, écoutez, ça c'est Dieu qui nous a dit de faire ça et donc on a le droit de le faire, et même on est obligé de le faire parce que notre Créateur nous a demandé de faire ça. Et donc vous voyez par exemple, dans les pays musulmans qui sont soi-disant démocratiques, eh ben parfois y a des questions où les gens vont commencer à discuter. Est-ce qu'on doit faire telle ou telle loi à propos de quelque chose, alors que cette loi elle existe déjà dans le Coran. C'est quelque chose qui a déjà, par exemple, il y en a qui demandent, qui discutaient la question, est-ce qu'on doit faire une loi contre le harcèlement sexuel dans les pays musulmans. Et donc, c'est absurde de penser ça, de se demander est-ce qu'on doit faire une loi contre le harcèlement sexuel au travail dans les pays musulmans, puisqu'on sait que dans l'islam, déjà c'est haram le harcèlement sexuel dans le Coran et dans la Sunna. Et en plus de ça, la mixité au travail c'est haram. Et beaucoup d'autres choses de ce genre qui sont clairement haram, zina c'est haram. Donc comment quelqu'un va demander est-ce qu'on doit faire une loi alors que tout ça c'est clair dans le Coran et dans la Sunna. Donc c'est pour ça que des fois on voit ces gens-là, quand la façon dont ils discutent, que ce soit des avocats ou des juristes ou des juges dans les pays musulmans qui se basent uniquement sur des lois faites par l'homme, et bien tu les vois discuter de ces choses-là, et les islamistes aussi parfois, ils parlent de ces choses-là juste sur un plan de la démocratie, jamais sans mentionner les preuves et les arguments qui viennent des textes de la révélation. Après, il mentionne Ar-Rahal qui dit « Al-Démocratia, ta'ni, hukmu al-sha'b al-sha'b, wani al-kalima, jam'un min kalimatayn, demos, ma'anahu al-sha'b, wa kratos, ma'anahu al-sulta, ay sultatu al-sha'b. » Oui, la démocratie, ça vient de deux mots grecs, ça qui est expliqué ici. Démocratie, c'est deux mots, un mot qui veut dire demos, demos qui veut dire le peuple, et l'autre mot c'est Kratos qui veut dire le pouvoir, et donc ça veut dire donc le pouvoir du peuple, démos, Kratos, ou démocratie. Maintenant, mansha ou fikrat al-démocratie, d'où vient cette idée de démocratie, ça vient de où, ou bien comment c'est né, comment c'est apparu cette chose-là. شيخنا محمد أمان الجامي رحمه الله يقول إن فكرة الديمقراطية وليدة تفكير طويل ولكنه تفكير غير موفق ونشأت عند الغرب النصراني الذي أعرض عن شريعة الله بل غير وحرف في الكتب السماوية حتى سلط الله عليهم ملوكهم الظالمين فأذاقهم سوء العذاب بدعوى التفويض الإلهي ليفعلوا ما يشاءون فصارت الشعوب الغربية النصرانية بعد تغيير الكتب السماوية وتحريفها تعيش بين ظلم ملوكهم وتسلط كنائسهم التي لا يقل ظلمها عن ظلم الملوك، فإذا كانت ملوكهم تظلمهم، تتصرف فيهم وفي أموالهم كما تريد، فإن كنائسهم تسخر منهم وتستخف عقولهم وتزين لهم تأليه غير الله وتلقنهم أناشيدا أناشيد حسينة في مناسبات كثيرة، والذي أريد أن أصل إليه أن الغرب النصراني أراد أن يتخلص من ظلم ملوكهم، فقعدوا اجتماعات ومؤتمرات كثيرة، فقرروا أخيرا نظرية سيادة الشعب، وهي نظرية تنطلق من تصور إلحادي، إذ يتصور أن الناس خلقوا ثم أهملوا فتركوا دون أن تنظم حياتهم ويبين لهم الخير من الشر والنافع من الضار، ليتخبطوا بأنفسهم في محاولة تنظيم شؤونهم. ومن هنا نشأت فكرة السيادة للشعب، أن الشعب هو صاحب السلطة بدل سلطة الملوك، وهي فكرة ملحدة تتنافى مع قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لشيخ في que à la base cette idée là elle vient de quoi la démocratie elle est née d'une réflexion très très longue lieu alors qui s'est passé sur plusieurs siècles ou plusieurs années, et c'est une mauvaise pensée en fait qui a pas eu de succès, parce qu'elle vient de l'Occident chrétien qui s'est détourné de la loi d'Allah et en fait qui a même déformé et falsifié les textes qui ont été révélés et les livres qui ont été révélés par Allah à ces peuples-là. Donc ils ont déformé leurs textes et leurs livres et leur religion, ils l'ont falsifié et tout, et jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala mette sur eux leur roi injuste. Et ces rois injustes-là les ont châtiés de toutes sortes de façons, et ils ont même prétendu qu'ils étaient là comme des représentants de Dieu sur terre. C'est-à-dire ces rois, souvent ils disaient qu'ils étaient là pour représenter Dieu sur terre et leur pouvoir, ce pouvoir de Dieu sur terre. Et donc ils faisaient ce qu'ils voulaient avec le peuple, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les peuples occidentaux chrétiens, après que leur livre céleste ait été déformé et falsifié. Et donc ils vivaient entre l'injustice de leur roi et le pouvoir écrasant de leurs églises qui n'était pas moins injuste que l'injustice de leur roi. Et donc leur roi était injuste envers eux, et leur religion et leur chef religieux, l'Église catholique, était également injuste envers eux et se moquait d'eux et écrasait leur raison en leur faisant paraître beau le fait d'adorer autre que Allah, et l'idolâtrie et toutes sortes d'égarements qu'on connaît tous dans le christianisme. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le chef dit, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que à cause de toute cette injustice-là, les occidentaux, les chrétiens de l'Occident ont voulu se débarrasser de l'injustice de leur roi. Et donc, ils se sont organisés, ils se sont réunis dans toutes sortes de conventions et de séminaires, de conventions. Ils ont fait des réunions pour essayer de discuter, et ils sont arrivés à la conclusion que la bonne façon de régner, c'était avec l'idée de la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple, c'est-à-dire la démocratie. Et c'est une idéologie qui part d'une idée qui est athée à la base, qui part de l'idée que les hommes ont été créés comme ça, par hasard. Vous connaissez le Big Bang, la théorie de l'évolution, les hommes qui descendent du singe et tout. Ouais, là où c'est venu après, mais à la base il y avait toujours cette idée-là que à la base les êtres humains c'était des êtres sauvages qui régnaient comme avec les règles de la jungle et la loi du plus fort. Puis par la suite il y a eu des rois puis tout ça. Et donc après il y a eu soi-disant le contrat social, où des individus acceptaient d'abandonner une partie de leur liberté pour pouvoir conserver la plus grande partie de leurs droits. etc. Donc, tout ça, ça a été expliqué par les philosophes, les kuffars et tout ça. Mais là, ils sont venus à la fin pour dire qu'il devait être dirigé par le peuple et que le peuple, c'était à la base celui qui détenait tous les pouvoirs. Au lieu des rois, ça devait être le peuple qui devrait diriger et choisir de ses propres lois. Hein? Parce que les hommes, à la base, ils n'avaient rien, soi-disant. Ils n'avaient pas rien pour distinguer entre le bien et le mal, entre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est nuisible, etc. Donc il faut que l'homme, soi-disant, par ses propres moyens intellectuels, arrive à découvrir ces lois-là, puis qu'il se gère par lui-même. C'est pas Dieu ou un prophète qui amène des lois pour guider les hommes, c'est les hommes eux-mêmes qui doivent décider de ça et faire eux-mêmes le système. Et c'est là que le cheikh mentionne le verset qui dit « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ » Et il dit que cette idée, qui est l'idée de la démocratie ou de la souveraineté du peuple, elle est rejetée par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là et dans d'autres versets aussi, mais parmi les versets qui montrent la fausseté de ce système, c'est le verset qui dit « Nous avons suscité dans toute nation un messager en disant pour dire aux gens « Adorez Allah et écartez-vous du ta'arut, écartez-vous de tout ce qui est adoré par les hommes ». Et donc ça c'est un exemple pour dire que Allah, c'est pas vrai. Il n'a pas laissé les hommes comme ça sans leur montrer le droit chemin, sans leur distinguer entre le bien et le mal, sans leur donner des lois et des règles à suivre. Non, il a envoyé des messagers, il a envoyé des prophètes à travers les temps, à travers les peuples, pour montrer aux hommes le bien et le mal, et pour les guider, et pour leur expliquer les lois à suivre et les lois à respecter, pour savoir qu'est-ce qui est bien et mal et tout ça. Et donc, c'est pas vrai que les hommes sont laissés à eux-mêmes et qu'ils doivent par eux-mêmes tout décider et tout choisir ces choses-là. Après, le cheikh dit, le cheikh qui a écrit ce livre, il dit, قلتو, وانظر كلاما نحو هذا للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري في كتابه الأحزاب السياسية في الإسلام. Il dit que le cheikh صفي الرحمن المبارك فوري, il a dans son livre Al-Ahzab al-Siyasiyya fi l'Islam une explication qui se rapproche de cette explication là. Donc il nous incite ou il nous encourage à y retourner. Ok, maintenant on a clarifié ça, on a fait un petit résumé là de tout ce qui a rapport avec la démocratie. C'est vraiment disons basic, comme on dit là, c'est la base, hein, de qu'est-ce qui a rapport avec la démocratie. Maintenant, on peut, disons, juste avec cette petite idée-là qu'on a maintenant, on est capable déjà de comprendre à quel point la démocratie est contraire à l'islam. Mais pour que ce soit encore plus clair, le cheikh, il a mentionné les mafasit, c'est-à-dire les méfaits de la démocratie. Et là, il a mentionné beaucoup de méfaits. Mais à travers ces exemples que le cheikh a mentionnés comme problème ou comme contradiction à l'islam dans ces principes démocratiques-là, on va être capable de comprendre pourquoi la démocratie c'est contraire à l'islam. Cheikh dit إن المتحدث في بيان هذه المفاسد لا يتعجب أشد العجب ممن يجوزون المشاركة في مثل هذه البرلمانات بل حتى وصل بهم الأمر إلى الاستماتة في الدعوة إليها، مع أن الناظر في هذه المفاسد يعلم حقيقة مدى مصادمتها لنصوص الوحي من الكتاب والسنة، ولكن قد يجاب عن ذلك بما ذكره شيخنا محمد أمان الجامي حيث قال إن هؤلاء أحد رجلين، أحدهما فليست لديه معرفة للنظام الإسلامي، وفي الوقت نفسه لم يتصور حقيقة ما يجري في ذلك المجلس من الكفر بآيات الله والسخرية منها، فهذا لم يستبن سبيل المؤمنين كما لم يهتد سبيل المجرمين. أما الثاني فهو إنسان يعرف سبيل المؤمنين بالتفصيل، ولكنه لا يعرف سبيل المجرمين إلا من حيث الجملة، ولا يتنبه ولا ينتبه لتضليلاتهم وتلبيسهم وتظاهرهم بخلاف حقيقتهم، وهو حسن النية محب للخير، ولكنه ينخدع، قد ينخدع. وهذا شأن كثير من الفضلاء الذين قد يخدعهم دعاة البرلمان أو المجلس الشعب قائلين لهم إنما نريد المصلحة ولا نريد الخروج عن الشريعة، ولو لم نشترك في المجلس الشعب لم نقدم أي خير أو مصلحة للمسلمين. Le cheikh il explique premièrement, il dit quand tu vois les méfaits qui existent dans la démocratie, tu vas t'étonner de voir comment certaines personnes essaient de rendre permis ou de dire que c'est permis de participer dans les parlements et de rentrer dans la démocratie. C'est rendu grave hein, à un point que yani, lorsque tu regardes ces gens-là, tu vois à quel point ils appellent à ces choses-là, hein, eh bien tu réalises que ces gens-là font partie de deux catégories de personnes, comme le cheikh Mohamed Aman l'a expliqué. C'est-à-dire les gens qui appellent à la démocratie au nom de l'islam, ou bien pas au nom de l'islam, mais juste de dire que c'est permis de le faire dans l'islam, eh bien ils font partie de deux catégories. Regardez maintenant les soi-disant les gens d'origine arabe, d'origine non-arabe aussi, qui sont des gens qui viennent des pays musulmans, qui sont soit en France ou en Europe ou en Amérique du Nord maintenant, qui rentrent dans des partis politiques qui ne sont pas des partis musulmans. Bon, même si c'est musulman, c'est, déjà on sait que c'est contraire à l'islam, on n'a pas le droit dans l'islam de faire des partis politiques, mais ils rentrent dans des partis qui ne se disent pas religieux du tout, c'est-à-dire des partis qui sont laïcs. Le parti libéral, le parti conservateur, le parti même national, comment ça s'appelle, le parti québécois et d'autres partis, eh ben ils rentrent dans ces partis-là et puis ils se font candidats dans ces partis-là et ils appellent les gens à voter, les musulmans et les non-musulmans, mais on les utilise surtout comme des représentants pour par exemple attirer les votes de la communauté, des communautés auxquelles ces gens-là appartiennent. Eh bien, demandez à ces gens-là, est-ce que c'est permis dans l'islam de participer aux élections, puis d'être un député, ou d'être un ministre, ou d'être un représentant dans les élections, ou dans les partis de course, et vous allez voir qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là. Bien entendu, ils vont dire oui, mais c'est pas juste ça la question, c'est que sur quoi ils se basent pour dire que c'est permis, c'est ça le pire. Ouais, il y en a comme Hassan Ekhsan et d'autres qui disaient que celui qui vote pas, il fait un péché. Là, il y a un frère qui me disait ça une fois même ici à Montréal. Comme les... Ouais, non, je sais, lui qui dit ça, mais c'est pas juste lui. C'est... Il y a d'autres qui disent ça, comme d'autres parmi les Ikhwan qui sont arabes, dans les pays arabes, ils disent la même chose. Et donc, eux, ils font juste traduire. Les Ikhwan en France, ils font juste traduire en français que les Ikhwan, leurs têtes, sont en train de raconter dans les pays arabes. Wa alaykum salam wa rahmatullah Mukhtar. Comment ça va? Alhamdulillah. Eh, mashallah, mashallah. Donc c'est ça. Et donc, ces gens-là, vous les voyez, ils connaissent pas. Le cheikh, comme le cheikh Mohamed Aman dit, c'est soit des gens. Ils n'ont pas de connaissance de l'islam, du système de l'islam, hein, et ils n'ont pas non plus compris la réalité de ces parlements, de qu'est-ce qui se passe dans les parlements, hein. Imaginez, subhanallah, imagine qu'un musulman est élu dans un de ces parlements-là, et qu'il va aller, il doit voter pour un projet de loi. Hein. Comment on peut même présenter ce projet de loi-là, alors que c'est contraire même à l'islam? Exactement. Oui, c'est ça. Le parti politique, par exemple, le parti, comment ça s'appelle? Donc, c'est ça. Le mariage des homosexuels, c'est ça. La légalisation des drogues aux États-Unis, c'est la même chose avec les républicains qui pratiquent, pas les républicains, les démocrates. Eh ben, au Québec, il y avait le parti québécois. Il y a plein de gens qui étaient représentants dans ces partis-là, qui sont d'origine soi-disant maghrébine et qui se disent musulmans. Et subhanallah, le chef de ce parti-là, c'était un homosexuel déclaré, hein, André Boisvert. Boisclair, ouais, Boisclair. Donc c'est pour dire, subhanallah, comment toi tu dis musulman, puis tu rentres dans un parti qui dit que c'est permis à deux hommes de se marier, ou à deux femmes de se marier, et puis dont le chef de ce parti-là est ouvertement déclaré comme étant, faisant partie de ces gens-là. Eh ben, il y a quelque chose qui marche pas. Et le pire aussi, par la suite, c'est que de voir par la suite que des mosquées, comme mosquée ICQ, hein, et les mosquées Sunna, et d'autres mosquées à Montréal, ouvrent leurs portes à ces gens-là qui représentent ces différents partis politiques-là, et qui demandent, qui ouvrent leurs portes aux députés et aux ministres et à ces candidats des différents partis pour venir faire leur prêche et demander aux gens qui sont dans la mosquée de voter pour eux, que ce soit le parti libéral, le parti conservateur ou le parti québécois ou d'autres. Alors que ça n'a aucune place à se faire dans la mosquée. Ça dit ça, ces choses-là, ça n'a rien à voir avec des choses qui ont rapport avec que des choses, disons, ces gens-là n'ont rien à faire dans la mosquée. Premièrement, ce sont des kuffars. S'ils viennent à la mosquée, c'est eux qui doivent s'asseoir pour écouter. C'est pas que eux, ils vont venir et puis ils vont parler aux musulmans. Et s'ils viennent, c'est pour se renseigner sur l'islam, pour apprendre sur l'islam, pour apprendre sur le tawhid, pour savoir s'ils doivent suivre la bonne voie de l'islam. Et non pas pour que eux viennent pour s'adresser aux musulmans et les appeler au kufr et à l'égarement. Hein. Donc c'est ça. Et là, on leur donne la place et on les laisse parler. Et il y en avait un qui était ouvertement homosexuel. On l'a laissé venir à la mosquée et parler devant les gens dans la mosquée. Des fois, c'est après la prière de Jumu'a, hein, le frère, il sait, hein, t'as déjà été témoin de ces affaires-là. Ben ouais, le ministre des Affaires étrangères, hein, il va dans la mosquée, l'imam, il l'accueille et tout, il le présente à tout le monde, il dit, ouais, il va nous parler et tout. Et en échange, peut-être, ils vont leur promettre, soi-disant, un stationnement pour les musulmans, là. Ou bien sinon une école, ou bien une mosquée ou des trucs de ce genre, hein. Allah Musta'an, donc c'est devenu bas à ce niveau-là. Et le plus drôle, c'est qu'ils rentrent pas dans les églises pour aller dire aux gens votez pour tel parti ou tel parti. Ils rentrent pas non plus dans n'importe quelle église, ni catholique, ni protestante, ça se fait pas. Et chez les juifs, bon, les juifs, eux, peut-être que chez eux ils le font, mais nous on est des musulmans. Il n'y en a rien à, notre religion, c'est, la mosquée, c'est pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pas fait pour ces affaires-là. Hein. Et donc, il y a des groupes musulmans, il y a des groupes de gens de pays musulmans, d'origine, musulmane. Je sais pas comment les appeler, ces groupes-là. C'est des associations culturelles, hein, laïques, hein, qui offrent des services, soi-disant communautaires, à différents groupes communautaires dans la société. Soit pour les Marocains, soit pour les Algériens, soit pour les Tunisiens, soit pour les Maghrébins en général, soit pour les Libanais, les Syriens, d'autres communautés. Chaque groupe, ils en ont des groupes qui les représentent. Et parmi eux, des fois, il y a des islamistes, et il y en a parmi ces associations-là qui s'associent aux islamistes. Hein. Et c'est pour ça que tu trouves des islamistes, soi-disant des Ikhwan ou d'autres groupes de Bid'a, qui font partie de ces groupes de groupes laïques, des associations de laïcité, qui appellent à la laïcité, et qui encouragent indirectement au vote et à ces trucs-là, yani, de participation citoyenne, et de dire aux gens, vous devez rentrer dans le processus électoral, et des trucs de ce genre. Donc, le chef, il dit, ces gens-là, que des gens qui ne connaissent rien de l'islam en fait. Et en même temps, ils ont ils ont pas compris la réalité de ce que signifie là, le fait de des assemblées législatives et toutes ces choses-là. Ils ne voient pas qu'est-ce que ça comprend de kufr et de se moquer des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la voix des croyants ne leur a pas été clarifiée. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris ni la voix des croyants, ni la voix des mujrimis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a clarifié la voix des croyants et il a clarifié la voix des criminels et des mécréants. Il n'a pas seulement clarifié la voix des croyants, il a expliqué aussi la voie de l'égarement pour éviter qu'on tombe dedans. Maintenant, il y a l'autre catégorie, c'est une personne qui connaît la voie des croyants en détail, mais qui connaît rien de la voie des criminels. Et ça, c'est tiré de l'explication de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya dans son livre Al-Fawaid. Il explique les différents degrés de personnes par rapport à la voie des croyants et la voie des criminels. Et il dit qu'il y a des gens qui connaissent la voie des qui connaissent ni la voie des criminels ni la voie des croyants. Ça, c'est un égarement total. Il y a ceux qui connaissent la voie des mujrimines et la voie des mu'minines. Et ça, c'est des gens qui sont au top. Parce qu'ils connaissent les deux en détail. Et il y a ceux qui connaissent la voie des croyants mais connaissent pas la voie des mujrimines. Et ceux-là, c'est des gens qui peuvent accepter parfois certaines faussetés, justement parce qu'ils connaissent pas, justement, la voie de l'égarement. Et donc c'est ça qu'il a expliqué ces choses-là en détail, et le chef il le reprend, et pour montrer en même temps, par rapport à la démocratie puis au Parlement, comment certaines personnes, à cause de leur ignorance de la vérité, peuvent tomber dans l'égarement à cause de ça. Donc le chef il dit que ces gens-là, ils connaissent pas la voie ils connaissent la voie des mu'minines, mais ils connaissent pas la voie des mujrimines. Excepté, ils le connaissent en général, ils ont une vision globale, mais ils ne connaissent pas les détails, ils ne connaissent pas leur ruse, ils ne connaissent pas le fait que ces gens-là, ils montrent quelque chose en apparence, mais que c'est contraire à ce qui est caché en réalité. Donc, ils pensent que ces gens-là sont des gens qui ont une bonne intention, qui veulent le bien, et ils se laissent tromper. Beaucoup parmi les gens de bien, ils se laissent tromper par les prétentions et par les ruses des gens qui appellent au Parlement et aux assemblées législatives et aux assemblées du peuple, etc. Et ils se laissent tromper par le fait que ces gens-là disent « on veut seulement le bien et on veut pas sortir de la charia, on veut juste participer aux assemblées du peuple pour faire passer le bien et pour amener un bienfait ». Le cheikh il dit, le cheikh Hassan, attention, il s'appelle à chaque fois j'oublie, Hassan ibn Qasim, il dit, سأبين بمشيئة الله أهم المفاسد التي قرأتها من خلال بعض الكتب التي سمعتها من خلال الأشرطة التي تناولت التي تناولت بيان ذلك وكذلك من خلال الواقع المعايش عندنا في اليمن. Wallahu al-mu'in. Donc le chef il explique qu'il va expliquer les méfaits de la démocratie et des élections à travers différentes cassettes qu'il a entendues et des livres qu'il a lus et de la réalité qu'il a vécue au Yémen à ce sujet-là. Et on va peut-être commencer juste un point. Puis on va laisser les autres pour la suite. On va commencer avec le premier point parce que c'est le plus important. Puis au prochain cours, inchallah, on va le reprendre puis on va continuer les autres pour que ce soit plus bénéfique. Le cheikh il dit le premier méfait parmi les choses qui ont rapport avec les élections et la démocratie, adam tahkim shar'illah. C'est-à-dire, ils ne jugent pas par la loi d'Allah dans les assemblées législatives et dans les trucs de parlement. Il dit, سَنَّ قَوَانِينَ وَتَشْرِعَاتُ ضَاهِ تَشْرِعَ اللَّهِ وَهَذَا كُفْرٌ بِاللَّهِ sunna qawaneen, c'est un des deux. C'est-à-dire le fait de faire des lois et des législations qui essaient d'imiter la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est kufr, c'est une forme de mécréance et de rejet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et il mentionne les preuves de ça. قال تعالى إن الحكم إلا لله وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Donc tout ça c'est des versets qui montrent que c'est interdit pour un musulman de prendre comme juge autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 58, le verset de sourate Al-An'am, le jugement n'appartient qu'à Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une preuve. Ensuite le verset 44 dans sourate Al-Ma'ida, et quiconque ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre comme révélation, alors ceux-là sont les kafirs, ceux-là sont les mécréants. L'autre verset après, verset 45, il dit, et quiconque ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre comme révélation, alors ceux-là sont les injustes. L'autre verset qui suit, verset 47, quiconque ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre comme révélation, alors ceux-là sont les fasiqoun. Et il mentionne le verset 65 dans sourate An-Nisa, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. C'est-à-dire, non par ton Seigneur, ils ne sont pas croyants tant qu'ils ne t'ont pas pris toi comme juge, c'est-à-dire toi, le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, comme juge, en tout ce qu'il y a de désaccord entre eux, puis qu'ils n'auront trouvé en eux-mêmes aucun désaccord pour que ce que tu auras décrété comme jugement, et qu'ils se soumettent en complète soumission. Et donc ça c'est l'explication à propos de ce verset qui montre qu'un musulman il doit être satisfait du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe la décision ou la conclusion du verdict. Hein? Si tu vas aller pour un problème que tu as avec un frère ou n'importe quoi, tu t'en vas devant un juge dans une cour, dans un pays musulman qui juge selon la charia, hein, et que le juge te donne le verdict de l'islam au sujet de cette question, tu dois être satisfait si c'est en ta faveur, si c'est toi si la décision de la charia est en ta faveur, tu dois l'accepter bien entendu et croire que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est contre toi aussi, tu dois l'accepter et croire que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois être satisfait de ce jugement-là, tant que c'est le jugement qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est pas juste quand c'est en ta faveur que tu dois l'accepter, mais même quand c'est contre toi, tu dois l'accepter. Et donc, tout ça, c'est des preuves qu'un musulman, il doit prendre comme juge la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas la loi qui est contraire à la loi d'Allah, une loi qui vient pas de la loi faite par Allah subhanahu wa ta'ala, la loi qui est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens qui rentrent donc dans les assemblées législatives et des trucs de ce genre, eh ben c'est comme s'ils sont d'accord ou qu'ils acceptaient le fait que des gens se permettent de faire des lois en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont contraires à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça veut dire qu'ils ne prennent pas en considération ces versets-là qui nous obligent et qui nous ordonnent de juger selon la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et que c'est une condition de la foi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. حتى يحكموك فيما شجر بينهم, jusqu'à ce qu'il t'ait pris comme juge entre eux dans leurs affaires, dans leurs désaccords entre eux. Et dans un autre verset, dans le verset 50 de sourate Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce le jugement de la jahiliya qu'il cherche? Le jugement de la jahiliya c'est quoi? C'est les gens qui jugeaient par leurs coutumes, par leurs traditions, par leur loi que leur chef avait inventée, ou bien par des loi que les gens faisaient comme les magiciens, les sorciers, les diseurs de bonne aventure, les devins, c'est eux qui faisaient les lois et qui légiféraient. Donc tous ceux qui recherchent ces lois-là et ces choses-là, eh ben c'est comme s'ils recherchaient le jugement de la guérilla, le jugement de l'ignorance. Et après, Allah dit, et qui est meilleur qu'Allah en jugement pour un peuple qui a la conviction? Personne, parce que tu as la conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tu vas pas accepter personne d'autre comme juge dans tes affaires. Et après le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Kathir, tafsir dans le tafsir Ibn Kathir, qui dit « ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله إلى أن قال ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. Donc le cheikh il dit dans tafsir, le cheikh Ibn Kathir il dit dans son tafsir le Coran al-Azim, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a dénoncé le fait que il a dénoncé la personne qui sort de son jugement qui est clair et qui contient tout le bien et qui interdit tout ce qui est mal, et il critique la personne qui s'est détournée de ce qu'il a révélé vers les passions, les opinions et les accords sur lesquels les gens ont c'est-à-dire les lois sur lesquelles les gens se sont mis d'accord, qui ne retournent pas à la charia d'Allah. Ok, donc ces gens-là, le chef il dit après, plus loin, dans le même verset, en expliquant le même verset, il dit quiconque fait ça parmi eux est un mécréant, et il est obligatoire de le combattre jusqu'à ce qu'il revienne au jugement d'Allah et de son messager, et qu'il ne juge que selon ce que Allah a révélé, que ce soit dans ce qui est grand ou petit, que ce soit dans plusieurs questions ou dans une question, il doit juger selon la loi d'Allah. Bien entendu, à ce sujet-là, il faut bien comprendre et distinguer entre qu'est-ce qui est kufr akbar et kufr asrar. On a expliqué ça déjà. Les catégories qui sont kufr akbar, c'est celui qui place la loi des hommes au-dessus de la loi d'Allah, ou qui dit qu'elle est équivalente à la loi d'Allah, ou qui dit qu'elle n'est pas équivalente mais qu'il est permis de juger par une loi qui est contraire ou autre que la loi d'Allah. Ces catégories-là sont des catégories qui font sortir quelqu'un de l'islam, hein, ou bien quelqu'un qui dit que la loi d'Allah est dépassée à l'époque actuelle et qu'on n'a plus besoin, on ne peut plus juger selon les lois de l'islam au XXe siècle parce que ça c'était pour le passé, maintenant on est dans une époque moderne. Une personne qui dit ça, lui aussi, il est en dehors de l'islam, il est kafir, pour avoir dit ça. Toutefois, une personne, par exemple, qui reconnaît que la loi d'Allah c'est la meilleure, et qu'on est obligé de juger selon la loi d'Allah, et que de juger par autre que la loi d'Allah que c'est haram, et que c'est un péché, mais qui le fait parce qu'il suit ses passions, ou parce qu'il aime l'argent, ou parce que, il s'est fait offrir un poste, et il veut pas le perdre, et il suit ses passions là-dedans, et il sait qu'il est dans le faux, et il sait qu'il est fautif, et il sait que c'est haram, lui il n'est pas en dehors de l'islam. Il est kafir, mais son kufr, c'est-à-dire le kufr qu'il a commis en faisant cette forme de kufr, ce n'est pas un kufr qui le fait sortir complètement de la religion musulmane, plutôt c'est un kufr qui est moindre, c'est le kufr d'una kufr, c'est-à-dire c'est un kufr qui est moins grave que le kufr qui fait sortir de l'islam. Toutefois, c'est un acte qui a été qualifié par Allah comme étant un acte de kufr. C'est-à-dire que c'est un grand péché, un parmi les plus grands péchés que quelqu'un peut faire. Et les gens de Bid'a, parmi les Khawarij et les égarés à ce sujet-là, qui tombent dans le takfir aujourd'hui, ils tombent souvent dans le takfir à cause de cette question-là, parce qu'ils ne distinguent pas entre le kufr mineur et le kufr majeur, ou le kufr akbar et le kufr asrar. Ils mettent tout le monde dans la même catégorie et ils font sortir tout le monde de l'islam à cause de ça. Donc, c'est bien de spécifier, de clarifier cette question-là pour éviter justement les ambiguïtés Mais c'est juste pour faire comprendre aux gens que il y en a parmi les gens qui rentrent dans ces parlements-là, parmi les gens qui se disent musulmans, qui croient que la loi des hommes est meilleure que la loi d'Allah, ou qui croient qu'elle est équivalente, ou qui croient que c'est permis de juger par les lois faites par les hommes. Et ça, c'est kufr akbar. C'est une forme de kufr majeur qui fait sortir les gens de l'islam. Et il y en a parmi les gens qui se disent musulmans, qui se disent laïcs en même temps, hein, et qui disent que c'est, que les lois de Dieu sont dépassées, et que c'est des lois qui sont rétrogrades, et qui sont, passées date, et qu'on ne peut plus les appliquer. Et donc, des gens qui disent ces choses-là, bien entendu, ça c'est des lois, ces paroles-là sont des paroles de kufr, et ces gens-là qui croient de cette façon-là, alors qu'ils savent la vérité, alors ces gens-là sont des kuffars, sans aucun doute. Après, le cheikh dit « wa kultu », le cheikh Hassan ibn Qasim, il dit, mais on va finir, bon, c'est fini, ouais. Il dit « al-ayat ad-dalla ala anna al-hukm wa al-tashri' lillahi ta'ala wahdahu kathira wa anna man hakama bighayri al-kitab wa al-sunna faqad hakama bil-tahut kama qala ta'ala alam tara ila al-lazina يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاهوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Donc ça c'est ce que le Cheikh a mentionné, il dit, et également les versets qui montrent que on doit uniquement juger selon ce qu'Allah a légiféré lui seul. Ils sont très nombreux. Et que le jugement par autre que ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna, et en fait, ça veut dire que tu as jugé selon le Tahout. Si tu ne juges pas par la loi d'Allah, tu as jugé par le Tahout. Ça, c'est expliqué dans plusieurs versets dans le Coran. Et parmi ces versets-là, il y a le verset 60, dans Surat An-Nisa. Et le verset, il dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été révélé sur toi, ô Muhammad, et ce qui a été révélé avant toi, parmi les lois qui ont été révélées aux autres prophètes avant. Ils veulent prendre pour juge le Tahout, alors qu'on leur avait ordonné de rejeter la foi, de ne pas croire en le Tahout. Et le Tahout, on l'a plusieurs fois expliqué, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les hommes, ou qui appelle à se faire adorer, qui appelle à se faire adorer et qui est satisfait de ça, ou bien qui, toute chose qui appelle à, toute personne qui appelle à son propre obéissance dans ce qui est contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces gens-là sont considérés comme étant des tawarites, et les lois faites par les hommes qui sont loin de la révélation d'Allah, ceux-là, ça fait aussi partie, ces lois-là font partie aussi de qu'est-ce qu'on peut qualifier comme étant un tahout, hein. Bien entendu, comme cela a été expliqué par les ulama. Et le cheikh, il dit, et le shaitan, il veut certes les faire s'éloigner et les faire s'égarer d'un égarement évident, hein, d'un égarement lointain. Donc ça, c'est les points qui ont été mentionnés à ce sujet-là. Ça, c'est le premier point, hein, à propos des méfaits des élections et des parlements et des trucs de ce genre. Donc là maintenant on va terminer avec ça, mais c'est juste pour dire comment des gens qui se disent musulmans, hein, qui savent que de juger par autre que Allah c'est kufr, que ça fait sortir de la foi, comment ces gens-là peuvent prétendre par la suite dire que c'est permis de croire en la démocratie et de croire en des lois faites par l'homme, de croire en un système basé sur ce système-là, alors que ces versets-là sont clairs, hein. Comment ils arrivent à s'éloigner et à jouer avec la religion de cette façon? Donc on va s'arrêter avec ça, puis on va continuer, Inch'Allah, le prochain cours. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.